Notre-Dame de Paris. Petit à petit, l'un après l'autre, les personnages du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, sont entrés dans la course, ignorant, bien sûr, de ce que leur réserve l'avenir ou de ce que leur réserve l'écrivain. Pas plus qu'ils ne savent tout de leur passé, un passé qui pourrait nous éclairer. Un retour en arrière s'imposait dans le roman, comme dans le feuilleton et comme dans l'épisode qui vient, le 11e, que suivront les 12e et 13e. Diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne, les 27, 29 et 30 avril 1957. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Allons, compère, rangez-vous un peu avec vos tonneaux de cidre, vous encombrez toute la rue. Ah, ben vous croyez peut-être bien que je peux les enlever comme ça, moi, mes tonneaux. Regardez-moi donc, ce monde, on peut seulement plus avancer. Ouais, mais il est déjà 10h du matin. Tout ce que je sais, c'est que les archers de la prévôté feront leur ronde dans moins de 15 minutes. Oh, ben... Et qu'ils me houspilleront de n'avoir pas encore nettoyé le devant de la fontaine. Ah, oh, mais les jours de fête, faut les tonneaux de cidre, en veux-tu, en voilà. Seulement le lendemain, quand la fête est finie, ben, ils sont trop. Ben, c'est parce qu'ils sont vides, compère. Les tonneaux, on ne les aime que plein. Ah, par Dieu, c'est bien vrai, ça tient. Hier, les Parisiens n'ont pas boudé leur ventre. Oh, pour une belle fête, oui, c'était une belle fête. Ouais, ouais, mais aujourd'hui, on marche dans les débris et tout ça fait une boue qui n'est pas belle à voir. Oh, ben... Ah, tiens, je ne me trompais pas. Voilà les archers de la prévôté. Eux, ils vont bien savoir se faire de la place. Paris s'animait au lendemain de la fête et les badauds traînaient encore après eux les souvenirs de la veille. Rubans, chiffons, bonnets perdus. Estrades que l'on démontait à grands coups de marteau, buffets de la ripaille publique dont les chiens errants se partageaient les miettes. À cette heure, Esmeralda et Gringoire dormaient encore à l'abri des sortilèges de la cour des miracles. Quasimodo, jeté en prison, attendait d'être jugé sans comprendre pourquoi. Le beau capitaine Phébus ajustait devant son miroir une nouvelle tenue blanche éblouissante. Et Don Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame, après une nuit sans sommeil, se réfugiait dans son mystérieux cabinet d'alchimiste. Tous étaient déjà marqués par le destin inéluctablement. Leur vie allait s'encastrer les unes dans les autres, pareilles à des morceaux de vitrail que le fer et le feu réuniraient, en une seule allégorie où le bien et le mal seraient également répartis. Mais afin de mieux comprendre de quelle manière s'y prend le diable pour avoir sa part de l'ouvrage divin, revenons en arrière, 17 ans exactement, alors que par un beau dimanche de la Quasimodo, les cloches de Notre-Dame sonnent la fin de la messe. Qu'est-ce que cela, ma sœur ? Regardez donc sur le bois de lit vis-à-vis de la statue de Saint-Christophe. Eh bien, mais ce doit être un malheureux enfant abandonné. Vous savez bien que c'est là qu'on dépose les pauvres petits dont les mères ne veulent point. Sainte Vierge, je le sais bien. Et on en dépose plus au parvis de Notre-Dame que dans toutes les églises de Paris réunies. Mais celui-ci n'est pas comme les autres. Quelle voix ! Oh, il mène en tous les cas un sabbat d'enfer, voyons voir. Oh, mais quelle horreur ! Que ne le disiez-vous ? Mais je ne fais que ça. Oh, mais c'est un vrai monstre d'abomination ! Avoir déposé ce singe dans une église ! Qu'allons-nous devenir ? Oh, si c'est ainsi qu'ils font les enfants à présent. Mais ma sœur, ce n'est pas un enfant, Dieu ne le voudrait pas. Mais qu'y a-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais regardez donc cette chose difforme qui braille sans arrêt. Sœur Agnès prétend qu'il s'agit d'un enfant abandonné. On lui voit qu'un œil. Oui, oui, et sur l'autre, il a une verrue. Ce n'est pas une verrue. C'est un œuf qui renferme un démon tout pareil à celui-ci. Lequel porte un autre petit œuf qui contient un autre diable. Et ainsi de suite. Seigneur, et comment savez-vous cela, monsieur le proto-notaire? Je le sais pertinemment. Et alors, que croyez-vous qu'il advienne, monsieur le proto-notaire? Oh, les plus grands malheurs pour notre pays. Oh mon Dieu, avec ça qu'il y a eu déjà une considérable pestilence l'an passé, et qu'on dit les Anglais débarquant en force à Harfleur. J'imagine que cet affreux petit être n'a rien de chrétien. Et plutôt que de le laisser répandre ses maléfices, il vaudrait mieux le jeter à l'eau ou au feu. Quand je pense à ces pauvres nourrices qui sont dans le logis des enfants trouvés en bas près de la rivière, si on allait leur apporter ce monstre à allaiter, oh, j'aimerais mieux donner à téter un vampire. Êtes-vous innocente, ma pauvre gauchère? Vous ne voyez pas que cette chose a au moins 3 ans et qu'elle aurait moins appétit de votre téton que d'un tournebroche? N'importe, je suis d'avis qu'il vaudrait mieux pour les manants de Paris que ce petit sorcier-là fût couché sur un fagot plutôt que sur une planche. Oh, ce sera plus prudent. Ah, oui, oui, conjurons le malheur tant qu'il en est temps. Mais je n'oserai jamais le toucher, moi. Mais il va mordre. Ouais. Allez chercher un fagot, qu'on le brûle là où il est. Ce sera œuvre pie, personne n'en voudra jamais. Que le diable! Moi, je le prends. J'adopte cet enfant. Laissez-moi passer. Oh, oh, ça par exemple. Voilà qui est stupéfiant. Oh, mais vous avez vu comme il l'a pris dans sa soutane. Et il l'emmène par la porte rouge qui va de l'église au cloître. Qui est ce jeune prêtre, sœur Agnès? Le connaissez-vous? Mais oui, c'est Monsieur Claude Frollo. Je vous en ai déjà parlé. Un savant, un théologien. Il est le vassal immédiat de Monsieur l'évêque de Paris. Et par dispense du Saint-Siège, bien qu'il n'ait que 20 ans, l'un des chapelains de Notre-Dame. Oh, vous m'en direz tant, c'est donc quelqu'un de bien. Trop bien, ma chère sœur, trop bien. Les forts en thème, il faut s'en méfier. On dit de celui-ci qu'il est un peu sorcier. Sorcier? Êtes-vous certaine? Un prêtre? Et où allez-vous, mon fils, d'un pas si pressé? N'avez-vous point de temps pour consulter ce vieux grimoire fort curieux que je viens de découvrir? Excusez-moi, mon père, mais il est plus de midi et je dois me rendre au fief du Moulin sur la colline de Bicêtre pour y prendre des nouvelles de mon jeune frère, Jean. Et là, mais je vous voyais porteur d'un gros sac, mais je n'imaginais point qu'il contenait quelque chose de vivant. Je viens d'arracher un enfant abandonné sur le bois de lit du parvis de Notre-Dame aux griffes de vieilles folles qu'il voulait brûler. Oh, est-il possible, mon fils, vouloir brûler un enfant? Mais n'y a-t-il plus de miséricorde dans le cœur de nos dévotes? Elles sont farcies d'histoires de sorcellerie et promptes à voir le diable plongé dans l'eau bénite. Oh. Cet enfant est fort laid. Pour le peu que j'ai pu en juger moi-même avant de l'emporter. Il est tout contrefait et dégoûté à leur vue. Mais quand voulez-vous faire, mon fils? L'adopter. L'adopter? Mais n'avez-vous point déjà votre petit frère qui vous donne ce souci? Précisément. Jean est un enfant vigoureux et sain, heureux de vivre, et que ma tendresse protège, mais je ne puis oublier qu'il n'a que moi au monde. Si je n'avais pas été là pour le sauver après la mort tragique de nos parents, sans doute l'aurait-on déposé sur ce même bois de lit où j'ai trouvé cet avorton dont personne ne veut. L'un et l'autre sont orphelins. J'ai pensé à cela en voyant les vieilles glapir comme des furies autour d'un déshérité. Et je veux désormais répondre de l'un et de l'autre. Ah, c'est très beau ce que vous faites là, mon fils, c'est très beau. Dieu vous en tiendra compte. Hélas, mon père, je ne suis pas sûr d'accomplir une action bien chrétienne. Je fais vœu d'élever cet enfant pour l'amour que m'inspire mon frère, afin que dans l'avenir, cette charité faite à son intention lui soit une garantie de pardon. Et c'est un placement moral que vous constituez sur la tête de votre frère? J'ose le penser. Vous manquez d'humilité, mon fils. Pourtant, votre geste reste généreux et vos intentions charitables. Allez en paix. Merci, mon père. Ah, toutefois... Oui. Méfiez-vous de votre intelligence comme de votre cœur, monsieur Claude Frollo. Là, là, mon bel enfanson. Veux-tu te calmer? Mais c'est qu'il me dévorerait si je le laissais faire. Il n'a jamais assez de lait, ce petit braillard-là. Allons, allons, allons. Tâche de t'endormir. Hé, Aliette, Aliette, tu peux sortir le pâté du four. Voici Monsieur Claude Frollo qui arrive à grande enjambée. Ah ben il est bien temps. Tout va être trop cuit. C'est la première fois qu'il est en retard pour venir voir le petit. Oh, mais vas-tu te taire? Ah ben il faut maintenant que je te laisse. Entends-tu, fripon? Pourquoi crie-t-il, Dame Aliette? Est-il en mauvais état de santé? Ou que non pas. Il crie parce qu'il a encore faim. Donnez-le-moi. Je vais essayer de le calmer. Oh. Allons. Allons. Fais-moi sourire, mon petit Jean. Oh, Dame Aliette, regardez-le. Oui. Il me sourit. C'est merveilleux, un sourire d'enfant. Ah, pardi, on dirait que vous n'en avez jamais fait. C'est de... Oh, oh, oh, pardon, monsieur Claude Frollo, j'oublie toujours que vous êtes maintenant un prêtre. Je me demande un peu pourquoi, d'ailleurs. Solide comme vous l'êtes, vous aviez mieux à faire que d'épouser le bon Dieu. Oh, Seigneur Dieu! Qu'avez-vous dans ce sac qui gigote de la sorte? J'oubliais ma trouvaille. Quoi donc? Dame Aliette, ne vous effrayez pas, car ce que je vais en sortir est une malice du diable. Hein? Une malice du diable? Attendez que je défasse la corde. Voilà. Regardez. Silence, silence, Brunet. Allons, couchez-vous. Dame Aliette, vous ne dites plus rien maintenant. Ah, c'est que... Il fallait bien ça pour me couper la parole. Il est affreux, j'en conviens. Mais est-ce sa faute? Les vieilles pies de la sacristie voulaient le brûler tout vif. Jésus-Maria, allez-vous le laisser vivre? C'est un monstre! Sans doute. Pourtant, lui aussi est à l'image de Dieu. Oh, que nenni! Vous aviez plus de raison en disant que c'était une malice du diable. Dieu ou diable, c'est la même chose. Il est l'incarnation de la fatalité. Ah, mais sire, votre langage est trop savant pour une bonne femme comme moi. Chez nous, les choses sont plus simples. Mais comment allez-vous le nourrir? Et qu'allez-vous en faire? Je ne veux point le prendre, il me fait peur. Et mon lait dont se gorge votre petit frère Jean pourrait bien tourner dans mon sang en vinaigre. Rassurez-vous, Dame Aliette, je n'avais pas l'intention de vous le confier. Je vais l'élever auprès de moi, à Notre-Dame. Et d'ailleurs, il n'est plus d'âge à se contenter de lait. Oui, eh ben c'est ça. Vous pourrez lui servir de nourrice sèche. Ah, Dame Aliette, je vous retrouve. Allons, mettons-nous à table. J'ai grand faim de votre bon pâté. Hein? Eh bien, au moins le dimanche, je suis sûre que vous mangez. Les autres jours de la semaine, ça, personne ne doit vous y faire penser, à vous voir si maigre. Allez, tenez, installez-vous. Je vais m'occuper de faire une soupe au pain à ce... Oui, enfin, à cette espèce de... À... Il n'a pas de nom, bien sûr. C'est vrai, Dame Aliette, vous pensez à tout. Eh bien, je vais l'appeler... Quasimodo. Puisque je l'ai trouvé ce dimanche... Et que les imperfections de cette pauvre créature n'en font qu'un à peu près. Ni tout à fait un homme, ni tout à fait une bête. Seize ans plus tard, le monstre avait grandi et l'homme avait vieilli. Claude Frollo n'était plus le prêtre écolier, le tendre protecteur d'un petit enfant. Le jeune et rêveur philosophe qui savait beaucoup de choses et en ignorait tant d'autres. Il était devenu un personnage considérable, imposant et sombre, devant lequel tremblaient les enfants de cœur, les confrères de Saint-Augustin et les clercs matutinaux de Notre-Dame, lorsqu'il passait lentement sous les hautes ogives du chœur, majestueux, pensif, les bras croisés et la tête tellement ployée sur la poitrine qu'on ne voyait de lui qu'un vaste front d'ivoire. Dont Claude Frollo, maintenant archidiacre de Notre-Dame, n'avait du reste abandonné ni les sciences ni l'éducation de son jeune frère. Mais avec le temps, il s'était mêlé quelque amertume à la tendresse qu'il portait à Jean. Monsieur mon frère, je suis très mécontent de vous. Et moi, je suis bien aise de vous voir. Jean, on m'apporte tous les jours des doléances vous concernant. Qu'est-ce que cette bataille de rue? Vous avez roué de coups un petit vicomte, Hubert de Ramonchamp. Oh, pas grand-chose, un méchant page qui s'amusait à éclabousser les écoliers en faisant courir son cheval dans les boues. Qu'est-ce que ce baillet frangel dont vous avez, paraît-il, déchiré la robe? La robe? Que non pas la robe, tout juste la petite cape. Dans la plainte, on dit une robe, et non une cape. Jean, allez-vous enfin devenir raisonnable? Imaginez ma peine de vous voir déshonorer ce même collège. Dont vous faites la fierté, je sais. Hélas, mon frère, je n'atteins pas vos mérites, mais qui puis-je? Il suffit d'un savant dans une famille. Est-ce ma faute si mon esprit vagabonde? Où en êtes-vous, des décrétales de Gratien? J'ai perdu mes cahiers. Où en êtes-vous, des humanités latines? On m'a volé mon exemplaire d'Horatius. Où en êtes-vous, d'Aristoteles? Ma foi, mon frère, je ne veux point de cet Aristoteles dont on dit qu'il inspire toutes les erreurs des hérétiques. Jean, vous vous moquez de moi, vous refusez de travailler, de vous instruire. Vous restez des semaines entières sans me donner de vos nouvelles. Et lorsque j'en ai, elles me font regretter de vous voir, enfin. Mon frère, je vois bien que vous ne m'aimez point. Que dites-vous là? Je ne vous ai que trop gâté. J'avais pour vous toutes les faiblesses. Vous étiez si doux, si gracieux dans votre petite enfance. J'ai voulu que rien ne vous manquât parce que le destin vous avait privé au berceau d'un père et d'une mère. Tout ce que je m'étais refusé à moi-même, je vous en ai comblé. Ne m'abandonnez pas aujourd'hui. Claude. Que vous faut-il? J'ai besoin d'argent. Encore? Et voilà votre figure qui se ferme comme les cordons de votre bourse. À quoi bon votre sollicitude? Cet argent, qu'en voulez-vous faire? Oh, cette fois, je ne m'adresse pas à vous en mauvaise intention. Il ne s'agit pas de faire le beau dans les tavernes avec vos sous, ni de me promener dans les rues en caparaçon de brocart d'or. Non, mon frère, c'est pour une bonne action. Quelle bonne action? Il y a deux de mes amis qui voudraient acheter une layette à l'enfant d'une pauvre veuve, Audriette. C'est une charité. Cela coûtera 3 florins et je voudrais mettre le mien. Comment s'appellent vos amis? Pierre Lassommeur et Baptiste Croque-Mitaine. Beau nom, en vérité. Ils vont à une charité comme une bombarde sur un maître-autel. Une layette qui doit coûter 3 florins et pour l'enfant d'une Audriette? Depuis quand les veuves ont-elles des marmots en maillot? Oh, et puis tant pis, j'ai besoin d'argent pour aller ce soir au Val d'Amour. Misérable impur! Que non pas! Je suis normal, moi. Vive la joie, je m'en tavernerai, je me battrai, je casserai les pots et j'irai voir les filles. Les filles des tavernes... Jean! Vous n'avez point d'âme! Ah, mais ça, tout est donc cornu, ici, vous, vos idées et vos bouteilles. Vous êtes sur une pente glissante, savez-vous où vous allez? Ouais, de ce pas, au cabaret. Le cabaret mène au pilori. C'est une lanterne comme une autre. Le pilori mène à la potence. La potence est une balance qui a un homme à un bout et toute la terre à l'autre. Il est beau d'être l'homme. Jean, la fin sera mauvaise. Oui, mais le commencement aura été bon. Silence. Jean, taisez-vous maintenant. Est-ce là quelqu'un que vous attendez et qui s'annonce si bizarrement? Jean, cachez-vous sous cette table et promettez-moi de ne jamais parler de ce que vous allez entendre. Dans la salle d'audience du Grand Châtelet, depuis 8 heures ce matin-là, quelques dizaines de bourgeois et de bourgeoises de Paris s'entassaient en mal de distraction, derrière la forte barrière de chêne qui les séparait de la table fleur-de-lysée où se rendait la justice de Monsieur le Prévôt. Ils assistaient avec béatitude à ce spectacle varié et gratuit, contemplant dans l'exercice de ses fonctions Maître Florent Barbedienne, président un peu n'importe comment et tout à fait au hasard, mais avec une autorité que chacun admirait. Le fait même qu'il fût sourd comme un pot n'empêchait rien, ni surtout les peines de pleuvoir, car la justice a ceci de commun avec la médecine que le patient en exige avant tout d'être fixé sur son sort. Greffier, la cause suivante. Les écuyers du roi, Aiglet de Soin et Hubert de Mailly, pour avoir contrevenu à l'interdiction de jouer au dé dans les cabarets. Mis en état d'arrestation par les agents de Monsieur le Prévôt, alors qu'ils en étaient à parier leur chemise, installés sans souci du scandale sur une borne de la rue du Chat qui pèse. 100 livres parisis d'amende envers le roi. Appelez la cause suivante. Oh, le vieux museau de juge, sourd et imbécile. Mais regardez-le donc, on perd distribuer ses amendes au petit bonheur. Et le voilà à table, il mange du procès, il mange du plaideur, il mange, il se gave, il s'emplit. Ce Barbedienne fait ma joie. 50 livres d'amende et 10 jours de prison. Appelez la cause suivante. Amende, épave, taxe, dommages et intérêts, prison, tout lui est bon. Il s'empiffre, le porc. Je ne lui ai jamais vu accorder d'indulgence à personne. Et comment fait-il pour entendre les exposés, sourd comme il est? Quand ses greffiers ont le temps, ils lui griffonnent l'objet de la cause sur un bout de papier. Mais cette justice-là est si expéditive qu'on est parfois puni avant que d'être coupable. 4 tonnes d'amende et 1 heure de pilori en place de grève. Appelez la cause suivante. Et allez donc, il n'est pas avare, le vieux bouc. Attention, qui vont-ils introduire? Voilà bien des sergents par Jupiter, tous les lévriers de la meute y sont. Ça doit être la grosse pièce de la chasse, ouais. Un sanglier pour le moins. C'en est un, compère, une belle prise, ma foi. Regardez ce géant. Mais par les cornes du diable, c'est notre prince d'hier, et notre pape des foot, c'est Quasimodo. Mais oui, c'est Quasimodo. Oh, c'est lui. C'était Quasimodo, en effet. Sanglé, cerclé, ficelé, garrotté et sous bonne garde. L'escouade de sergents qui l'environnait était assistée du chevalier Muguet en personne, portant brodées les armes de France sur la poitrine et les armes de la ville sur le dos. Il n'y avait rien, du reste, dans l'attitude de Quasimodo qui put justifier cet appareil de hallebardes et d'arquebuses. Il était sombre, silencieux et tranquille. À peine son œil de cyclope jetait-il de temps à autre sur les liens qui le chargeaient un regard de colère. Compère, observez donc. Voici que pour notre sonneur de cloche, le juge Barbedienne consulte un dossier. Que va-t-il lui reprocher à ce gorille d'être aussi sourd que lui-même? Oh, le voilà qui prend une attitude de profond recueillement et ferme les yeux pour plus de majesté, sans doute. Si bien que le voilà en ce moment sourd et aveugle. Double condition sans laquelle il n'est pas de juge parfait. Accusé! Quel est votre nom? C'est bien. Quel est votre âge? Parfait. Quelle est votre condition? Il suffit. Je vais lire l'acte d'accusation. Oh, mais il n'a rien répondu. Mais Quasimodo est sourd, il faudrait peut-être qu'il le sache. Pas alors. La plaisante histoire, monsieur. Oh. Quasimodo, vous êtes accusé par Devernou, primo, de troubles nocturnes. Secondo, de voix de fée déshonnête sur la personne d'une femme sans défense. Tertio, de rébellion et déloyauté envers les archers de l'ordonnance du roi, notre fille. Expliquez-vous sur tous ces points. Greffier, avez-vous pris note de tout ce que l'accusé vient de déclarer jusqu'ici? Oh, le pauvre! Il est bien empêché de parler, il ne sait même pas qu'on s'adresse à lui. Oh ben non, oh ben moi j'ai jamais été horrible. Greffier qui l'a dit, avez-vous pris note de tout ce que l'accusé vient de déclarer jusqu'ici? À sourd, sourd et demi. Pourquoi rit-on de la sorte? Savez-vous à qui vous parlez, misérable bossu? De quel droit avez-vous fait une réponse qui met en joie l'assistante au départ de votre juge? Savez-vous que je m'appelle Florian Barbedienne, propre lieutenant de monsieur le prévôt? Et voici monsieur le prévôt lui-même, qui vient de faire son entrée. Monseigneur, ce drôle que vous voyez là-bas au banc des accusés se moque de moi. Je requiers contre lui telle peine qu'il vous plaira pour grave manquement à la justice. Cette fois, les gardes mirent debout Quasimodo et celui-ci comprit enfin qu'on allait s'adresser à lui. Quelle audace te permet de te moquer de tes juges, Marot? Pourquoi es-tu ici? Quasimodo. Seras-tu aussi de moi maintenant? Sonneur de cloche à Notre-Dame. Sonneur de cloche, en vérité. Je te ferai faire sur le dos un carillon de houssine par les carrefours de Paris, entendu? Si c'est mon âge que vous voulez savoir, je crois que j'aurai 20 ans à la Saint-Martin. Ainsi, tu fais semblant de rien comprendre à ce qu'on te dit. et tu continues de narguer la prévôté. Je t'apprendrai, misérable, à faire d'une cour de justice un spectacle de foire. Messieurs les sergents à verge, vous me mènerez ce drôle au pilori de la grève. Vous le battrez et vous le tournerez une heure. Cependant, le greffier, au moment où Maître Barbedienne lisait à son tour le jugement pour le signer, se sentit ému de pitié pour le condamné, et dans l'espoir de lui obtenir quelque diminution de peine, s'approcha le plus près qu'il put de l'oreille du juge. Monsieur, il faut que vous le sachiez, Quasimodo est sourd. Mais le juge l'était tellement lui-même qu'il ne comprit pas la phrase, et pour ne pas l'avouer, il répondit. Ah ! Que ne le disiez-vous plus tôt ? Je ne savais pas cela. En ce cas, ajoutons une heure de pilori. Vous venez d'entendre Notre-Dame de Paris. Adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garrett. Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus, Jeanne Marquen, La Falourdelle, Madeleine Auseret, Fleur de Lys, Louis Seigné, Louis XI, Pierre Trabeau, Jean Frollo, avec Maurice Ténac, Clopin Trouillefou, et dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg. Aujourd'hui, vous avez également entendu dans les rôles de Barbedienne, Maurice Birot, le prévôt, Jean-Louis Maury, le greffier, Teddy Billis. Les hommes et les femmes du peuple avaient les voix de Charlotte Clasis, Héléna Manson, Gina Manès, Lucien Guerville, Henri Virlogeux et Jean Péméja. Bruitage, Joël Noël. C'était Notre-Dame de Paris. Ces épisodes, les 11e, 12e et 13e du feuilleton Notre-Dame de Paris, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 27, 29 et 30 avril 1957. À suivre, à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Debout.